Donc maintenant, on va passer à une troisième commu, qui est Paris Sciences et Lettres. Et je vais laisser la parole à Stéphane Béot, qui est professeur de sociologie à l'ENS. Merci. Donc j'ai accepté avec un peu d'imprudence l'invitation de Christian Topalov pour parler de cette qui n'est pas une commu, pour parler de du presse de l'IDEX Paris Sciences Lettres que vous connaissez peut-être. Ce qui est intéressant quand on regarde le logo, c'est Paris Sciences Lettres et en anglais Research University, parce que c'est ça sa définition. Sa directrice actuelle, Monique Cantos-Perber, dit dans le site principal que PSL, donc Paris Sciences et Lettres, a l'ambition de devenir rapidement une des plus remarquables universités au monde, avec une présence internationale forte et une signature commune pour ses publications. Entre parenthèses, PSL Research University. Alors, en fait, moi, tout à l'heure aussi, Christian Topalov parlait de combat commun. Donc, en vous écoutant tous, en écoutant aussi les précédentes séances et puis ce qui vient d'être dit là, je vois bien que je suis dans une situation très marginale et on va dire favorisée, privilégiée certainement, puisque nous, j'enseigne à l'école normale supérieure, principalement dans un master lié avec l'école des hautes études en sciences sociales. Finalement, ces choses-là, comme on dit dans ce vocabulaire affreux, nous impactent. Pas beaucoup. Au départ, on a l'impression d'être dans un univers, c'est vrai, très protégé, très privilégié. Tout ce que vous savez, bien sûr, de l'ENS et des autres institutions. Quand on regarde, effectivement, l'IDEX, PSL, Étoile, vous avez les membres fondateurs, c'est l'École normale supérieure, c'est le Collège de France, c'est l'Observatoire de Paris, c'est le Paris Dauphine, c'est l'Institut Curie. Depuis l'école physique et chimie de Paris, l'école de chimie de Paris aussi, et puis depuis quelque temps, nous ont rejoint les mines de Paris, la FEMIS, les Arts Déco, l'école des Beaux-Arts, etc. Donc ce sont que, entre guillemets, à part Dauphine qui a un statut particulier, mais on n'est pas dans l'univers des universités, et encore moins de l'université de masse. On est dans ce monde très privilégié, je pense, par plein d'aspects, qu'est le monde aujourd'hui des grandes écoles. Et si j'ai, en discutant avec Christian Topalov, si j'ai voulu juste parler très rapidement, je tiendrai pas mes 10 minutes, c'est simplement pour vous raconter finalement comment, malgré tout, ce qui se passe autour de nous peut nous atteindre quand même, à savoir que finalement, cette structure qui nous paraît donner que du bien, on a pas mal d'argent, on a des contrats doctoraux qui arrivent, mais petit à petit, on a toute une histoire qui se défait. Je vais prendre un exemple qui me semble très, très important, parce que je raisonne à partir de mon point de vue, donc j'enseigne la sociologie à la fois à l'école normale, mais aussi à l'école des hautes études. Il y a un vieux DEA créé par un sociologue Chambordon et un ethnologue Marc Auger, il y a 30 ans, qui fonctionne très bien, qui s'appelle DEA de sciences sociales, maintenant qui s'appelle le master PDI, pratique de l'interdisciplinarité, et puis on est lié, dans ces cas-là, on avait des possibilités de trouver des bourses à droite, à gauche, et progressivement, il y a 2 mois, on m'a demandé finalement, l'école des hautes études est dans un presse ESAM, l'école normale est dans le presse PSL, et tout d'un coup, on avait quelques jours pour se décider, est-ce qu'on allait mettre nos billes du côté du presse ESAM, est-ce qu'on allait mettre nos billes du côté du presse PSL, avec tout un tas d'enjeux sur les doctorats, les doctorants aussi, les fonds de recherche pour payer des financements à nos doctorants. Donc, ce qui m'a paru intéressant à ce moment-là, et ça intéresse peut-être les collègues de l'école de hautes études, c'est à quel point, finalement, dans ces univers très protégés, d'une certaine manière, eh bien, petit à petit, les choses dont on n'a jamais entendu parler viennent nous percuter. Tout d'un coup, on doit faire des choix comme ça, qui vont à l'encontre de ce qui pourrait être ce qu'on pourrait appeler la structuration historique d'une formation. Parce que, comme vous le savez tous, une formation de la recherche, notamment un master, ça prend du temps. Il faut une institution, elle se construit dans le temps. Donc, c'est des choses qui ont été construites comme ça dans le temps, qui se sont cristallisées. Il se trouve dans ce cadre de ce DEA très positivement, me semble-t-il. Et tout d'un coup, on voit petit à petit apparaître des failles liées à cette institution, à ces organisations méta, avec surtout un point qui me paraît fondamental. Bon, c'est des choses que vous connaissez certainement encore plus que vous les avez vécues dans le débat démocratique, voire dans le conflit. Comment nous, on pourrait dire à l'école normale, toutes ces choses-là nous sont apparues comme ça. Je disais tout le temps à mes collègues, on me posait des questions sur le presse, sur ça, mais je ne sais pas, je ne connais pas, je n'ai pas d'informations, etc. Comment toutes ces choses-là qui sont quand même d'importance, ça rejoint le propos de Pascal Laborier, tout d'un coup débarque d'un coup sans que jamais en tant qu'une simple universitaire lambda, on nous informe des enjeux, voilà, donc y compris, on pourrait dire, à l'école normale, on a ce genre de choses. Je voulais aussi, non pas me faire l'avocat du diable, mais me dire quand même, dans ce type de structure, il se trouve que j'appartiens depuis un an et demi, je siège à ce qu'on appelle le conseil de formation de ce PSL, avec un tas de collègues très intéressants, des gens des mines, la FEMIS. Bon, c'est vrai que je trouve que ça remplit une fonction universitaire, d'être comme ça en contact avec d'autres disciplines et d'autres institutions, l'Observatoire, les physiciens, voilà, des gens très sérieux, et c'est vraiment intéressant pour d'écouter tous ces propos. Mais il y a eu une institution qui a été créée, qui est intéressante, mais qui est à la marge, me semble-t-il, puisqu'il y a eu, ça vient d'Henri IV, la création, un des grands enjeux, comme vous savez, des grandes écoles, c'est bien sûr transformer des classes prépa. Les classes prépa sont, là aussi, on pourrait dire, irréformables. Dès qu'il y a un projet de réforme, il y a des grèves tous azimuts, ou des menaces de grève. Mais dans ce cadre de PSL, il y a eu une institution qui a été créée, que je ne trouve pas inintéressante. Ça a parlé certainement aussi aux scientifiques. On a créé un cours qui s'appelle CPES, c'est cours classe préparatoire expérimentale, où on sélectionne des élèves après le bac, bon, 70 élèves par filière. Il y a trois filières. Il y a filière sciences, filière humanité, filière sciences économiques et sociales. Et cette sélection d'étudiants, on l'a fait à partir d'un critère assez important. On cherche à avoir à peu près 50% de boursiers. Et ces élèves-là, pendant, sont mis dans des classes, avec à la fois un enseignement de classe prépa, entre guillemets, mais aménagé, avec des chercheurs qui viennent parler de leurs recherches, pour un peu ouvrir. Et progressivement, en première année, ils sont Henri IV. Après, en deuxième année, en sciences, ils sont à l'école physique de chimie de Paris. En troisième année, ils sont à Dauphine, en sciences économiques et sociales. Et là, on a, me semble-t-il, l'essai de construction d'une sorte de voie intermédiaire entre les classes prépa, qu'on peut critiquer pour leur côté scolaire, scolaro-centré, etc. Et puis l'université, peut-être qu'on peut critiquer parfois, en deuil, en tous les cas, par des formes de moindre travail et de moindre exigence. Donc je voulais juste dire ça aussi, que dans ce cadre-là, peut-être dans ce cadre très protégé de cette institution qui est PSL, on a vu arriver une chose assez intéressante, me semble-t-il. Je finirai mon propos pour dire, là, pour parler d'un point de vue d'histoire universitaire, parce que je pense que, là, je prends ma casquette d'enseignant à l'ENS pour l'heure, il me semble que là aussi, ça renvoie à une grande transformation de l'école normale supérieure, de la rue d'une notamment, parce qu'il me semble que pendant des siècles, on pourrait dire, une des spécificités de l'école normale qui n'avait pas la collation des grades, c'était d'être très liée aux universités. Et là, progressivement, avec ces structures-là, on voit qu'on a progressivement un lien qui va se constituer plus ou moins bien avec Dauphine, mais par exemple en histoire avec Paris 1 ou en économie avec Paris 1, il y avait des liens ou des littéraires avec Paris 4 notamment, qui étaient historiquement constitués par l'école normale, avec ces fonctions de circulation qui me semblent importantes, y compris aussi au niveau des thésards. Notre politique en termes de formation, c'est d'envoyer le plus possible de normaliens dans l'université de province, si c'est possible. Il me semble que ce genre de projet, que ce genre d'IDEX a pour effet, là aussi, de durcir les choses et de rompre avec une tradition historique qui, du point de vue de l'école normale, à mon avis, avait de grandes vertus, à savoir, finalement, faire en sorte qu'il y ait, sinon une symbiose, du moins une alimentation de l'école normale du côté des universités parisiennes, généralistes, si l'on peut dire. Voilà, j'étais bref, parce que, comme vous l'avez vu, je suis vraiment marginal dans cette discussion.